Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Tiens, et si nous changions le nom du pays ? En 1935, Reza Pahlavi, le Shah d'Iran, demande à l'ensemble des pays du monde de cesser d'appeler son pays la Perse. Désormais, il faut dire l'Iran. C'est un changement dans le monde entier, mais en réalité pas tellement en Perse, enfin en Iran. Car l'Iran est le nom que les Iraniens se sont toujours donné, Iran. Une lecture rapide de ce changement de nom en 1935 y voit une orientation idéologique. Alors que le Shah se rapproche de l'Allemagne nazie, l'Iran serait un rappel aux Aryens, mais fake news ou infox dirait-on aujourd'hui, car si il y a de l'Aryen dans le nom Iran, il n'est en rien un clin d'œil aux thèses racistes, c'est un écho au passé sassanide où l'Aryen, l'Iran désigne le noble puis peu à peu l'ensemble du peuple. Ce changement de nom est davantage un signe de modernisation du pays. Non, rien de nauséabond ne perce sous le nom de l'Iran. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous rendons en Iran, à la confluence des passions. Oui, une semaine consacrée à cette région, carrefour de peuples et de cultures. Région sans cesse au contact d'autres peuples. Et puisqu'il est frais, puisqu'il fascine, comment porter un regard perçant sur l'Iran? Des émissions que vous allez pouvoir réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux. Le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, l'Iran, point chaud de la guerre froide, absolument nécessaire pour comprendre les tensions qui existent aujourd'hui et qui drainent l'ensemble de l'actualité. Avec vous, Annick Cizel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, vous êtes chercheuse en politique étrangère américaine et transatlantique. Vous avez contribué à l'ouvrage « L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolutions », un ouvrage aux éditions passées composées. Donc, c'est vrai que dans l'actualité, l'Iran est omniprésent. Et malgré tout, l'histoire de l'Iran est souvent oubliée, alors que ce qui se passe aujourd'hui est en fait une continuité d'une histoire de la deuxième moitié du XXe siècle au moins. Ah, véritablement, c'est la raison pour laquelle je parle d'obsession iranienne, parce que l'Iran a été à la fois après 1945 développé une, ce qu'on pourrait presque qualifier de relation spéciale avec les États-Unis à l'époque du Shah d'Iran, et puis de point de rupture où cette relation est tellement proche avant qu'elle devient véritablement antithétique, antagoniste par nature après la révolution islamique de 1979, et où les États-Unis, quelque part, ne peuvent pas se détacher de ce géant iranien, et où le traumatisme de l'humiliation que subissent les États-Unis en 1979 avec l'attaque de leur ambassade va véritablement créer une histoire en deux temps, sous la guerre froide et aujourd'hui, à la fois d'un rapprochement très particulier, très intime, presque, pendant des décennies, et d'un éloignement qui semble irréductible aujourd'hui. Et qui est vraiment très impressionnant quand on regarde cette histoire sur un temps pas si long en vérité. Il y a un contraste saisissant. Clément Terme, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire internationale et en sociologie, vous êtes chercheur à Sciences Po, vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 » et puis vous avez dirigé cet ouvrage, hein, « L'Iran et ses rivaux » chez Passé Composé. C'est vrai que dans l'histoire récente, il y a peu de pays qui ont vraiment une rupture très nette, une alliance entre l'Iran et les États-Unis, mais presque une symbiose. Il y a une entente magnifique, en tout cas telle qu'elle est exposée, et puis d'un seul coup, une rupture qui vraiment alimente tout ce qu'on a vu dans les actualités depuis que nous sommes gamins. Oui, il y a un autre pays, hein, c'est Cuba. Donc avec lequel on peut comparer, mais c'est vrai que pour l'Iran, il y a cette dimension qui est très puissante de la révolution islamique, donc une révolution religieuse, c'est là la particularité. Donc on voit que l'ayatollah Khomeini, quand il commence à prendre le pouvoir au sein du mouvement révolutionnaire iranien à la fin des années 70 et au début des années 80, il utilise la question des relations avec les États-Unis pour éliminer les autres partis qui participent au mouvement révolutionnaire à ce moment-là. Et c'est l'acte fondateur de la révolution islamique, c'est la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Et donc je pense que cette humiliation, ce traumatisme est toujours présent. On l'a vu avec Donald Trump récemment qui a menacé de viser 52 sites iraniens en référence au nombre d'otages. Donc c'est vrai que cette identité anti-américaine de la révolution islamique est un problème encore aujourd'hui, mais je dirais pas tellement pour les pays occidentaux, mais pour la population iranienne, qui vit une situation économique désastreuse aujourd'hui, du fait de cet héritage de l'ayatollah Khomeini. Vous avez raison, Clément Terne, de mettre le peuple, la population au cœur des questionnements, parce que ce sont ces gens-là, ces hommes, ces femmes qui souffrent. Donc avec vous, Clément Terne, Annick Cizel, nous allons retracer cette histoire de l'Iran, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, petit tour à Persépolis. Persépolis, le film de Marjane Satrapi, un film de 2007, un film où il y avait la synthèse de l'histoire de l'Iran au début du XXe siècle. La vérité, c'est qu'il y a 50 ans, le père du Shah, qui était alors officier, voulait renverser l'empereur Qajar pour instaurer une république. Je ferai comme Atatürk, je moderniserai ce pays et je ferai une république. Mais les Anglais avaient eu vent du projet. Et un jour... Bonjour, pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur? Moi, empereur? Et puis, tu sais bien que le clergé est contre la république. Et entre nous, il n'a pas tort. Et que dois-je faire? Rien. Tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste. Maintenant, c'est moi, le roi. Tout ce qui est à vous m'appartient. Ah, mais en fait, c'était un connard. Oh, oui et non. C'était un dictateur, mais il a réellement modernisé l'Iran. On peut dire qu'il aimait son pays, en quelque sorte. Un extrait du film Persépolis de Marjane Satrapi en 2007. Il y a, dans ce qu'on vient d'entendre, une intervention d'une puissance étrangère, en l'occurrence le Royaume-Uni. Le premier XXe siècle pour l'Iran est déjà un enjeu de puissance. C'est les États-Unis, le Royaume-Uni, il y a des Russes. Alors, dans ce premier XXe siècle, c'est surtout le Royaume-Uni qui est présent en Iran, Annick Cizel. Oui, c'est le Royaume-Uni qui est présent via une compagnie pétrolière, l'anglo-iranienne. Et c'est aussi, pour nous aider à comprendre le nationalisme iranien aujourd'hui, c'est véritablement une clé. Cette omniprésence de l'Empire britannique au Moyen-Orient et cette résistance iranienne à la colonisation, cette résistance, il y a, je pense, à deux pays au confluent, en fait, de l'Afrique et du Moyen-Orient, à l'Iran et à l'Éthiopie, qui sont deux pays qui ont constitué un nationalisme qui nous échappe un petit peu à nous autres occidentaux, des pays qui se sont construits dans la résistance à la colonisation, non pas parce qu'ils étaient colonisés, mais parce qu'ils ne l'étaient pas, et qui, du coup, se sont constitués dans un nationalisme de résistance à, pour le cas iranien, à l'invasion pétrolière, de domination de son économie, de... on n'est même pas sur des investissements directs étrangers, on est sur une prise en main de l'économie, donc véritablement ce qu'on appellerait un impérialisme économique plutôt qu'un système colonial. Et c'est cette résistance qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, de surcroît, avec une présence soviétique dans la région qui est extrêmement présente sur le nord de l'Iran et les Britanniques étant plutôt au sud, qui prend cet Iran en étau quelque part et l'avertit très tôt dans l'histoire de la guerre froide, avant même qu'elle soit officielle, cette guerre froide, qui avertit l'Iran quant au danger de mainmise sur son économie, d'être pieds et poings liés sans que la communauté internationale puisse intervenir et réclamer une décolonisation, mais qu'il y a des moyens beaucoup plus indirects de nier cette souveraineté iranienne en prenant en otage son économie. Ce qui, au final, est, d'une autre manière, via l'ensemble des sanctions qui s'abattent sur l'Iran depuis 1979, contribue à alimenter ce nationalisme de départ par cette interdiction de l'économie iranienne qui avait été tentée, qui a donc avait été renversée par Mossadegh, par la nationalisation de l'Anglo-American Company, au final. Voilà, juste après la Seconde Guerre mondiale. Parce que dans cette mainmise, alors c'est vrai qu'on peut nuancer en vous suivant, Annick Cizel, pas tellement le Royaume-Uni, mais en tout cas les compagnie pétrolifère liée au Royaume-Uni, il y a une mainmise sur l'Iran. Il y a malgré tout, pendant la Seconde Guerre mondiale, un nouvel acteur qui apparaît et qui s'installe de plus en plus en Iran, c'est l'URSS, Clément Terme. Oui, juste pour compléter ce que disait Annick, c'est ce que l'historien Ushank Shahabi appelle la période pré-postcoloniale, ce premier 20e siècle. Ensuite, sur la relation avec le Royaume-Uni et l'URSS, je dirais que c'est l'héritage du grand jeu hein, du 19e siècle, et que le Royaume-Uni, quand même, pour nuancer, a quand même cette perception, il y a les anglophiles et les russophiles hein, dans les élites iraniennes, et les anglophiles soulignent que quand même le Royaume-Uni a pu contribuer à préserver l'intégrité territoriale du pays, alors que la Russie constitue une menace pour cette même intégrité territoriale avec l'annexion de nombreux territoires, notamment au 19e siècle, qui appartiennent à l'Iran. Donc pour le nationalisme iranien, la référence négative, c'est quand même plus la Russie, même si l'Angleterre, ça a été expliqué, hein, pour des raisons économiques aussi, a joué un rôle qui est perçu de manière largement négative. Et d'ailleurs, on dénonce toujours les complots britanniques. Et donc ça permet pour les historiens de comprendre aussi pourquoi, dans l'historiographie iranienne contemporaine, il y a cette présence des théories du complot, puisqu'aujourd'hui, les instituts d'histoire en Iran diffusent ces théories du complot, alors que nous, en France, par exemple, essayons de lutter contre. Là, c'est l'opposé. Donc, et c'est basé sur cet héritage. Après, votre question sur l'URSS, oui, je dirais que c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout le début de la présence américaine, puisqu'il y a l'occupation soviétique au nord. Voilà, l'occupation soviétique est concrète pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et même dans le juste après Seconde Guerre mondiale, les soviétiques ne veulent pas partir. Exactement, c'est la première crise de la guerre froide, la crise d'Azerbaïdjan. Mais la nouveauté, c'est pas tellement, parce qu'il y a eu des occupations russes, hein, donc dans l'histoire iranienne, mais l'occupation américaine est, elle, nouvelle. Et donc c'est l'apparition quand même qui va se concrétiser après le coup d'État de Mossadegh en 1953, de la présence américaine qui s'affirme à ce moment-là. Mais c'est vrai que à partir de la Deuxième Guerre mondiale, et surtout le fait que Reza Shah est déposé, puisqu'il avait été mis au pouvoir, c'était dans l'extrait de Marjan Satrapi, avec le soutien des Anglais. Mais il est aussi déposé par les Alliés en 1941. Oui, parce qu'il s'était un peu trop rapproché de l'Allemagne nazie. Ça, c'est la raison officielle. Mais après, il y a aussi des débats à l'intérieur, puisque Reza Shah a essayé à la fin de s'adapter en devenant pro-britannique. Mais ça n'a pas suffi. Et donc, il y a eu cette occupation militaire. Et l'Iran qui devient finalement... qui perd une partie de sa souveraineté. Donc là, on rentre dans une période paradoxalement la plus démocratique hein, du XXe siècle, de 1941 jusqu'à 1953, du fait de la faiblesse du monarque, qui a 22 ans quand il est mis au pouvoir, donc le fils de Reza Shah, Mohamed Reza Pahlavi. Et donc là, on est dans une situation d'effervescence politique. Et la nouveauté du point de vue de l'URSS, c'est la poussée du communisme et l'émergence à ce moment-là du parti Toudé, qui s'appelle le parti des masses, qui est le parti communiste iranien. Bien justement, Clément Terme, nous allons écouter combien l'Iran est à l'origine, est un des points chauds, peut-être le premier de la guerre froide, un extrait du 4 avril 1946 des Actualités françaises qui évoque au Conseil de sécurité de l'ONU l'incident Gromyko. L'ONU a déserté le vieux continent. C'est à New York que s'est ouverte la session du Conseil de sécurité sous la présidence du délégué de la Chine. Et dans le climat des nouvelles formes de l'information moderne, radio, cinéma, télévision. La question de l'Iran sur laquelle s'expliquait M. Hussein Allah, le délégué iranien, M. Gromyko, délégué de l'URSS, Sir Alexander Cadogan, au nom de l'Angleterre, M. Stettinius, au nom des États-Unis, M. Henri Bonnet, au nom de la France, devait déclencher un grave incident. M. Gromyko demande l'ajournement de l'affaire d'Iran. Ceux qui sont d'avis de le maintenir sur l'ordre du jour sont priés de lever la main. La proposition est mise aux voix. La proposition a recueilli 2 voix, elle n'est pas acceptée. La motion étant repoussée, M. Gromyko quitte la séance. Le retrait des troupes russes permettra vraisemblablement de liquider la question. En avril 1946, les actualités françaises évoquent les tensions, on ne parle pas encore de guerre froide, les tensions qui ont lieu en Iran. Clément Terme, Annick Cizel, vous êtes aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour nous expliquer combien l'histoire de l'Iran au XXe siècle explique les actualités d'aujourd'hui et notamment le nationalisme et les tensions. Nous entendons ici combien l'Iran aurait pu être un point de bataille de la guerre froide, à l'instar de la Corée, à l'instar du Vietnam. Pourquoi l'Iran n'est pas devenu une zone de conflit aussi nette qu'ailleurs? Pourquoi les soviétiques ont décidé de partir? C'était trop tôt pour s'imposer? Qu'est-ce qui s'est passé en Iran, Clément Terme? Quel est ce rapport des soviétiques à ce territoire juste après la Seconde Guerre mondiale? Je dirais d'abord que la guerre froide a commencé avec cette crise d'Azerbaïdjan en 1946. Donc ça a été quand même un point important, puisque c'est l'origine de ce conflit. Parce qu'il y avait cette idée que finalement l'Iran, c'est un territoire stratégique très important. Et du fait des ressources en hydrocarbures, c'est un enjeu entre les pays. Donc cette affaire d'Azerbaïdjan est aussi lié à la concession du pétrole du nord de l'Iran, qui a été attribué à ce moment-là par l'Iran à l'URSS, et qui finalement, par un artifice du premier ministre Avam de l'époque, iranien, va pas être ratifié par le parlement iranien, et du coup, il n'y aura pas de concessions qui seront données aux soviétiques. Mais pour l'enjeu iranien dans la guerre froide, c'est l'enjeu d'abord de la lutte idéologique, puisqu'il y a plus de 2000 kilomètres de frontières entre l'ancien espace soviétique, puisque les frontières sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, hein. Donc il y a 5 pays d'Asie centrale et puis les pays du Caucase qui font partie du bloc soviétique, la frontière est fermée pendant toute cette période soviétique. Donc c'est très important. Si vous voulez aller du nord de l'Iran jusqu'à Yerevan en Arménie, de l'autre côté de la frontière, il faut passer par Moscou. Donc ça, c'est quand même un élément majeur pour comprendre que l'Iran, au contraire, était un point très important pendant la guerre froide. Et c'est à partir de 1962, à partir de la détente, que l'Iran se rapproche de l'URSS. Parce que le cadre international le permet et le Shah d'Iran prend de l'importance et veut affirmer une autonomie plus grande dans le camp occidental. Son inspiration, c'est Charles de Gaulle. Hein. Donc il veut être à la fois au sein du camp des alliés, tout en se dégageant des marges de manœuvre par rapport à l'allié américain. Donc pour résumer, c'est que vous dites cela parce qu'il y a eu des relations de bon voisinage entre les deux pays. C'est parce que pour l'Iran, en raison du différentiel de puissance entre les deux pays et du fait qu'ils sont voisins, même si l'Iran était dans le camp occidental, il ne pouvait pas ne pas entretenir des relations de bon voisinage avec son voisin. Annick Cizel, les relations entre les États-Unis et l'Iran sont au beau fixe durant ces années 50, en tout cas telles qu'elles sont présentées à l'international. Mais nous entendons avec Clément Terme qu'il y a quand même des relations assez pacifiées avec l'ennemi soviétique. Comment se construit la politique iranienne pendant ces années-là d'être entre les deux géants? Alors, véritablement, les États-Unis tentent, à partir de 1953, dans les suites de ce coup d'État fomenté, on le sait aujourd'hui, les archives sont ouvertes aujourd'hui dans une très large mesure, par la CIA côté américain et le MI6 côté britannique, dans les suites de la consolidation par les États-Unis, par les Occidentaux, par cette relation transatlantique très particulière, alors là pour le coup, historiquement très très proche entre le Royaume-Uni et les États-Unis, l'Iran donc se retrouve instrumentalisé, inclus dans des alliances militaires américaines, d'abord britanniques puis américaines, mais les États-Unis dès 1955 incluent l'Iran aux côtés de l'Irak, du Pakistan et de la Turquie et du Royaume-Uni dans le pacte de Bagdad. Les États-Unis n'en font pas partie, mais il y a cet alignement forcé quelque part au sein de qui complémente les traités d'assistance et de défense mutuelle entre les États-Unis et l'Iran, qui tente véritablement d'aligner donc l'Iran militairement d'abord, puis par des aides économiques, techniques, etc., sur les États-Unis. Or, l'Iran résiste effectivement. Le pacte de Bagdad est un morceau de papier que les États-Unis essayent de compléter parce qu'ils sont bien conscients de la faiblesse. En 1955, l'économie britannique n'a pas encore le moyen de porter tout ceci. Ils sont conscients de la faiblesse du pacte et en 1958 rentrent eux-mêmes dans, signent donc une extension du pacte de Bagdad, rentrent dans cette alliance militaire. Et pour autant, cette alliance est mort-née aussi parce que, et C'est facile quelque part de faire l'histoire à rebours quand on voit où est le Pakistan aujourd'hui, où est l'Iran aujourd'hui, quand on a vécu entre-temps les révolutions islamiques du Pakistan et de l'Iran et toute la nucléarisation achevée pour l'un et en cours pour l'autre, de voir aujourd'hui comment cette alliance ne pouvait pas rester aussi fidèlement aligné sur les États-Unis, mais comment le nationalisme à la fois de l'Iran ou du Pakistan pouvait générer ce dont Clément parlait, c'est-à-dire cette tentative de non-alignement. Ça n'est pas l'image que les Occidentaux avons du Shah d'Iran, mais cette tentative de bon voisinage, certes pragmatique, de réel politique, j'ai envie de dire de réalisme politique, que si l'Iran devenait un instrument de guerre froide, véritablement, à ses frontières, pouvait se déclencher une fois une forme de reconstruction économique de l'URSS parachevée. Ceci pouvait, au-delà de Khrushchev et des années 50, dégénérer vers un conflit ou un retour des soviétiques sur le territoire iranien. Donc on a, dans les années 50, vers les années 60, avant le Vietnam, avant que les États-Unis commencent à perdre de leur splendeur et commencent à montrer effectivement un talon d'Achille, on a cette tentative aussi parce que l'Iran doit se repositionner par rapport au panarabisme de Nasser. C'est compliqué les années 50 dans la région. Ils doivent, en tant que nation perse, se repositionner par rapport à ce panarabisme et se positionner par rapport au groupe des non-alignés qui émerge de Bandung, de la conférence de Bandung de 1955. Donc, il faut ménager tous les camps en même temps. Et c'est là aussi que le discours de puissance que les États-Unis tentent d'instrumentaliser le Shah d'Iran, mais le Shah d'Iran résiste à sa manière et instrumentalise quelque part les pays occidentaux aussi pour maintenir la position, la posture de puissance de l'Iran entre la montée des nationalismes arabes, entre les alliances très privilégiées entre les États-Unis et l'Arabie saoudite ou l'Égypte par rapport à Israël, etc. Et ça contribue à alimenter cette posture de puissance de l'Iran dans la région, aussi pour résister bien sûr à l'URSS. Nous sentons bien que l'Iran est entre plein de puissances, ce sont ses rivaux, ça c'est le titre de l'ouvrage, hein. L'Iran et ses rivaux, mais qui auraient pu être ou qui sont des potentiels alliés pendant cette période complexe qu'est la guerre froide, avec un personnage, et vous l'avez très bien souligné, Annick Cizel, que nous voyons, nous occidentaux, le Shah d'Iran, allié des États-Unis. Mais il y a sans doute plusieurs regards à porter, je pense que ce n'est pas le même vu de l'URSS. En tout cas, quand nous regardons les actualités françaises, c'est même le journal de 20h en 1959, nous assistons à une interview du Shah d'Iran, et en plus, surprise, il parle très bien français. Alors écoutez, la première question que je vais vous poser est toute simple. Quel est le but, quelle est la raison de votre voyage actuel en Europe? Parce que vous comprenez, c'est-à-dire la quantité de personnes qui en ce moment vous regardent se demandent toujours un peu, évidemment, ce que signifient ces déplacements et s'il n'y a pas quelque chose de caché. Non, vraiment pas. C'était par pure coïncidence. Maintenant, alors sur le plan strictement iranien, c'est une question presque impertinente que je pose, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments dans l'existence royale où on souhaiterait s'évader? Si, certainement. De souhaiter pour une minute. Mais si, dès le commencement, on a pris avec soi-même une décision, la décision de servir une cause, le désir de s'évader ne dure pas très longtemps. Nous entendons le Shah d'Iran qui parlait à la télévision française en 1959, qui évoque son souhait, son désir de s'évader, et le fait qu'il serve une cause. Elle est intéressante, cette cause-là, parce que Clémentin, il faut la définir. Cette cause, en fait, c'est le bien de son pays, l'Iran. J'imagine que c'est comme ça qu'il la conçoit, mais tiraillé entre différentes puissances, c'est en dialoguant avec tout le monde. Oui, alors l'idéologie nationaliste séculière du régime Pahlavi, c'est d'abord un nationalisme culturel fondé sur la langue persane, donc avec cette idée qu'il faut purifier la langue persane, notamment dans les années 30. Donc ça, c'est l'héritage de Reza Pahlavi. Pahlavi, la dynastie. Hein, qui a commencé en 1925 et qui a duré jusqu'en 1979. Et sa spécificité, c'est d'insister sur le développement économique du pays, avec un discours plus tard, dans les années 70, sur la grande civilisation. Donc c'est le rêve de l'Iran éternel, de la référence au passé pré-islamique. Et sa mission, entre guillemets, qu'il s'est attribuée très largement à lui-même, c'est de produire une modernisation par le haut. Donc c'est là où il y a ce problème, cette question qu'on retrouve aussi en Turquie sous Atatürk, de la modernisation autoritaire. Et en Iran, ça va passer notamment dans les années 30 par le dévoilement des femmes, le dévoilement forcé, et avec des politiques progressistes ou par la vie pour les questions féminines, avec cette idée de mettre des uniformes par exemple. Donc il y aura une stratégie de lutter, notamment sous le père, contre l'obscurantisme religieux. Lui, il est plus complexe, c'est-à-dire qu'il a, le clergé, après 1953, va reprendre, sortir de son isolement, qui date de la période précédente, et reprendre un rôle politique assez important, parce que même dans le coup d'État contre Mossadegh en 1953, les religieux jouent un rôle, Donc là, on voit cette montée en puissance pendant la deuxième partie du règne, parce que là, on est après 53, donc le pouvoir est plus personnalisé. Le Premier ministre Mossadegh a été déposé et on va vers une évolution, vers une mégalomanie, je pense, du Shah progressivement après les années 70. C'est surtout le choc pétrolier de 1973. Donc c'est vraiment les pétrodollars qui vont porter ses ambitions du Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qui est une figure des actualités internationales, il est observé, on le voit dans les journaux, dans Paris Match, on admire Téhéran, on dit regardez comme c'est moderne, comme ça ressemble à nous. Et bien justement à Téhéran, ce regard vers l'Occident passe aussi par la chanson. En 1976, Stevie Wonder sortait Pastime Paradise. Et bien en Iran, la chanson était reprise, mais adapté. Quand je dis reprise, c'est vraiment reprise. En l'occurrence, c'est par un chanteur qui s'appelle Martik. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. To the evils of the world. Pastime Paradise, chanté par un Iranien qui s'appelle Martik, mais c'est une reprise de Stevie Wonder. Ces chansons venues de l'Amérique et adaptées telles que cela se faisait et que cela se fait encore. Pastime Paradise dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous allons en Iran, nous y sommes. L'Iran, point chaud de la guerre froide, qui est nécessaire pour comprendre les tensions en Iran et les tensions internationales autour de l'Iran aujourd'hui. Nous avons sans cesse évoqué un nom, ce nom c'est Mossadegh, un coup d'État, celui de 1953. Clément Terme, vous avez dit que 1953, c'est un moment où le clergé reprend un rôle politique. Cette année 1953 est essentielle, on le sent bien. Que s'est-il passé, Annick Cizel, en 1953? une exacerbation des débuts de ce qu'on appelle encore les débuts de la guerre froide. On a un changement de gouvernement aux États-Unis où l'ancien président Eisenhower entre à la Maison-Blanche en janvier 1953 et donne son feu vert à une opération qui était un petit peu dans les cartons en amont. Donne son feu vert donc pour une opération de, on dirait aujourd'hui, de changement de régime. L'expression n'existait pas à l'époque, de renversement donc du régime iranien élu, pour remettre à la tête de l'Iran donc le Shah d'Iran. En 1954, une opération similaire aura lieu au Guatemala. Ce sont vraiment les grandes années, si je peux m'exprimer ainsi, de la guerre froide et de l'interventionnisme américain, de manière à remettre en Iran un régime, pas simplement, comme je disais tout à l'heure, que l'on pense instrumentaliser depuis Washington, mais un régime que l'on perçoit comme potentiellement un modèle de transformation à l'ère des décolonisations et un modèle effectivement moderne, je mets des guillemets dans ma tête en le disant, puisque c'est le discours du Shah d'Iran, on le disait il y a quelques minutes, où cette modernisation est projetée comme modèle d'occidentalisation, en fait, pour l'ensemble de la région. C'est-à-dire que, vu depuis le monde occidental, que l'Iran affirme un nationalisme perse et non point arabe, n'est pas du tout une donnée, ça n'est pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est que on a potentiellement un fer de lance d'un régime pro-occidental plus ou moins ouvert sur le monde, à un moment où les États-Unis replient la reconstruction ouest-européenne du plan Marshall, force un peu la main de leurs alliés européens à décoloniser l'Afrique et à vraiment se retirer du reste du Moyen-Orient et de l'Asie. Et donc on cherche des laboratoires. On cherche des laboratoires expérimentaux qui pourront montrer la voie à ces nations afro-asiatiques que l'on perçoit comme, je cite Washington en 1953, des nouvelles nations. Ça pourrait être discuté, mais donc on essaie de construire ce laboratoire expérimental qui montrera la voie, et la voie non seulement de l'occidentalisation, mais potentiellement, là encore on fait de l'histoire à rebours, de la mondialisation, de l'intégration dans une occidentalisation appelée à se mondialiser après 1945, dans l'espoir qu'un jour le bloc de l'Est chutera et viendra le rejoindre. Donc c'est tout cet enjeu qui est patent dans le retour de Washington vers l'Iran, mais qui vraiment met de grandes espérances, place de grandes espérances dans cette modernisation, entre guillemets, que propose le Shah d'Iran à son pays. Bien justement, nous écoutons un écho à ce renversement de Mossadegh. Nous sommes en 1953, le 16 août précisément, et nous regardons la télévision française, l'émission Flash sur le passé. D'Iran nous parviennent les images moins paisibles du triomphe éphémère de Mossadegh. Le vieux renard n'aura été le maître de Téhéran que le temps de déboulonner la statue équestre du père du Shah. L'action des royalistes appuyée par l'armée retournait en effet très brutalement la situation en faveur du jeune souverain dont l'exil aura été particulièrement bref. Malmenant les partisans de Mossadegh, les manifestants sont maîtres de la rue. Que va faire après ces heures dramatiques le nouveau gouvernement iranien ? Que va-t-il faire ? Eh bien, en tout cas, il va remettre en place le Shah d'Iran, soutenu donc par la CIA, nous le savons aujourd'hui. J'insiste sur ce moment de 1953, parce que souvent, l'histoire de l'Iran nous est présentée comme une alliance absolue avec les États-Unis jusqu'en 1979, la révolution iranienne, et puis après, un antagonisme complet. Quand on regarde ce moment de 1953, il y a malgré tout en Iran, en germe dès ces années-là, une opposition aux États-Unis. C'est-à-dire que l'opposition ne naît pas d'un coup en 1979. Annick Cizel. Non, absolument pas. On voit véritablement les États-Unis en 1953 rompre très brutalement le cours de l'histoire iranienne, le cours volontaire, souverain de l'histoire iranienne en 1953, au nom de la sécurité nationale des États-Unis dans la guerre froide, au nom du refus du non-alignement pour des pays qui stratégiquement sont perçus comme essentiels depuis Washington, l'Iran, ce pivot au confluent des routes pétrolières qui doivent alimenter absolument l'Europe occidentale pour parfaire la reconstruction de l'Europe occidentale, qui est absolument prioritaire à l'époque, qui dans le même temps, on le retrouve aujourd'hui d'ailleurs sous Donald Trump, l'Iran qui est la frontière nord de la zone Indo-Pacifique, on l'appelle comme ça aujourd'hui, mais qui relie l'océan Indien à l'océan Pacifique, et qui a donc cette position stratégique que les Américains ne peuvent pas, doivent nier absolument à l'URSS, et donc au mépris de leur bonne gouvernance démocratique, en l'occurrence. Oui, c'est une fois, et plusieurs fois, et un peu toutes les années 50, et puis ça continue régulièrement. C'est vrai qu'il y a une tradition états-unienne autour de ce type d'action. Dites-moi, Clémentaire, vous avez dirigé cet ouvrage, L'Iran et ses rivaux, entre nations et révolutions, aux éditions passées composées, et l'ouvrage dans lequel vous avez donné une livraison à Nick Cizel sur les États-Unis, se décompose selon les rivaux, on pourrait dire alliés. Alors il y a une intervention sur la Chine, il y a l'Arabie Saoudite, etc. Vous, vous êtes le spécialiste des relations entre l'Iran et l'URSS, la Russie. Cette position, cette situation de carrefour qu'a l'Iran est essentielle également pour comprendre les enjeux qui se jouent aujourd'hui encore autour de ce pays. Oui, tout à fait. Et aussi le fait que l'Iran est un grand producteur de pétrole, hein, parce que c'est quand même au début du XXe siècle, après la découverte du pétrole, que l'Iran prend cette importance stratégique. Pour répondre à votre question sur la naissance des mouvements d'opposition à la politique du Shah, c'est quand même un phénomène qu'on observe, donc j'en ai parlé tout à l'heure, dans les années 40, avec la naissance du parti Demas, le parti Toudé, le parti communiste iranien, et aussi un peu plus tard, donc au moment du coup d'État, ce qu'on appelle les Fedayeen à l'islam, ceux qui se sacrifient pour l'islam. Donc c'est un groupe inspiré des frères musulmans qui va d'ailleurs assassiner le premier ministre Rasmara en 1950 et qui prépare en fait le terrain idéologique qui sont les inspirateurs des révolutionnaires islamiste de Roumanie. Donc il y a quand même un groupe qui se constitue à ce moment-là. L'ayatollah Roumanie existe déjà en Iran et il y a des mouvements gauchistes, on dirait aujourd'hui maoïstes, guevaristes, donc Che Guevara, et donc c'est quand même toute l'époque de l'idéologie tiers-mondiste, et cela a beaucoup d'influence dans les universités, les ouvriers de l'industrie pétrolière. Donc là, il y a quand même toute une histoire qui est faite, hein, sur l'histoire de l'opposition iranienne. Donc c'est quand même le Shah d'Iran, lui, était obsédé par le communisme, d'où son alliance avec les États-Unis et d'où cette dépendance stratégique qu'il va entretenir tout au long de son règne. Mais ce qu'il a moins vu, du fait de ses relations avec une partie du clergé, c'est ce qu'il a appelé le péril noir. Donc il parlait d'alliance du rouge et du noir, lui. Mais c'est pas le rouge a finalement été instrumentalisé par le noir. Donc les communistes n'ont pas été ceux qui vont prendre sa place. Et cette obsession communiste va aussi le pousser, après 62, à se rapprocher de l'URSS, par pragmatisme, pour que l'URSS soutienne moins les communistes iraniens. Donc il va essayer, par la réelle politique, de lutter contre ce péril interne. Parce que, comme vous l'avez mentionné, l'Iran n'est pas une démocratie, hein, sous le régime Pahlavi. Et donc il n'y a pas de traduction politique de ces mouvements dans le système, à part dans les années 40, où il y aura même des ministres communistes, hein, du Shah d'Iran. Mais pour une très brève période. Donc on voit que finalement, cette incapacité à faire participer ces mouvements à la vie politique du pays, avec une restriction de la monarchie sur une base de plus en plus étroite vers les années 70, est paradoxal parce que cela se fait dans un contexte de croissance économique. Donc là, par contre, il y a un héritage sur l'infrastructure industrielle de l'Iran aujourd'hui, date de cette période du Shah d'Iran. Justement, nous allons écouter un témoignage sur la période du Shah d'Iran, sur le règne du Shah d'Iran, et ce n'est pas n'importe quel témoignage, et on peut se douter qu'il est de parti pris, puisque c'est celui de Farah Pahlavi, donc l'épouse du Shah d'Iran, qui en octobre 2003 parlait à Jacques Chancel dans l'émission Figure de proue. Quand le roi est venu, enfin la famille Pahlavi est venue au début du siècle, l'Iran vivait dans le Moyen-Âge. Ils l'ont mené vers le progrès, le développement au XXe siècle. Il faut se mettre dans le contexte du moment, c'était la guerre froide. L'Iran était un pays toujours convoité par sa richesse, par sa position géopolitique et surtout les réformes que le roi a fait à l'intérieur en 1963. La réforme agraire, le changement de la loi électorale qui permettait aux femmes d'être élues et de voter. Et puis, disons, la participation des ouvriers dans le bénéfice des usines. Tout ça, c'était des grands changements dans la société. Et de toute façon, les mouvements qui étaient très pro-Union soviétique à ce moment-là et pro-communiste se sont mis avec les religieux. Ceci dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de manque, qu'il n'y a pas eu des erreurs en Iran, mais c'était réparable et que l'Iran, à ce moment-là, franchement, était beaucoup plus développé, beaucoup plus avancé, beaucoup plus libre. Farah Pahlavi, donc l'épouse du Shah d'Iran, qui en 2003 fait la synthèse, le bilan du règne de son mari, Clément Terne. En l'écoutant, je vous voyais faire oui, acquiescer, oui. Mais c'est vrai que quand on entend, c'est un. Je ne dis pas que le bilan est bon. Je dis que l'analyse n'est pas mauvaise, vue comme ça globalement, et elle met cette petite touche à la fin en disant quand même tout n'était pas bien. Enfin, c'était une véritable dictature, une horreur. Mais malgré tout, elle analyse la situation en voyant les différents mouvements. Oui, bon, il faut déjà resituer la reine qui est plutôt modérée hein, dans le régime Pahlavi, proche des intellectuels de gauche, qui s'intéresse à l'art. Donc elle a quand même une sensibilité particulière hein, dans l'ancien régime. Ensuite, elle est aussi très proche, très fascinée par la Russie. Donc elle joue un rôle aussi hein, dans le rapprochement du Shah, c'est dans ses mémoires, hein, les voyages à Moscou avec le Shah, etc. Et bon, dans son bilan, oui, sur l'économie, je pense qu'il y a consensus aujourd'hui pour dire qu'effectivement, mais il y avait beaucoup d'inégalités. Après, la question, c'était pas tellement les performances économiques du pays. Elles étaient plutôt positives dans les années 70. Il y avait aussi un bilan plutôt positif en politique étrangère. L'Iran était à l'apogée de sa puissance dans les années 70. Et la diplomatie iranienne était capable de parler à tout le monde. L'Iran était considéré comme le gendarme du Golfe. Mais il y avait, je pense, des points noirs. Les achats d'armement. Donc ce côté militariste. Donc le Shah était un des principaux acheteurs d'armes des États-Unis. Donc là, les relations avec le complexe militaro-industriel américain sont intéressantes. Il y a aussi la question de l'isolement, de la mégalomanie, de la personnalité du Shah qui, à un moment donné, n'a plus que des courtisans autour de lui. Donc il y a une évolution aussi au cours du règne du Shah. Parce qu'au début, ce sont les technocrates, hein, quand il est mis au pouvoir, qu'il a 22 ans, la période d'effervescence, là, de libéralisation jusqu'en 53. Le tournant, c'est 53 au niveau de la vie politique interne à l'Iran et la fermeture du régime sur lui-même. Et donc, on dit souvent que la révolution islamique est autant une révolution qu'une faillite de l'ancien régime. Cette faillite de l'ancien régime doit se lire sur ces décennies et nous regardons l'histoire de l'Iran aujourd'hui, notamment pendant la guerre froide, et ce n'est pas la même chose. L'Iran en 1953, l'Iran en 1979, Annick Sizel. Pourquoi en 1979 la rupture est si nette? Pourquoi le régime s'effondre alors que les États-Unis auraient pu éventuellement soutenir son allié? Oui, sauf que les États-Unis sont en perte de puissance à la fin des années 70. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a une donne à la fois dans les relations États-Unis-Moyen-Orient qui a changé radicalement et une donne globale qui a changé radicalement. Je vais juste commencer par la deuxième très brièvement. On est, à partir du milieu des années 70, dans une situation de début de mondialisation, de première phase de la mondialisation, avec pas simplement une accession de plus de 100 pays à l'ONU qui change la donne de la communauté internationale et des votes, etc., à l'Assemblée générale de l'ONU, mais avec un changement de donne économique. Vous mentionniez tout à l'heure la première crise pétrolière de 1973. Il va y avoir deux crises pétrolières qui vont entraîner la chute du dollar américain, la désindexation du dollar américain du système de Bretton Woods et donc des cours de l'or, avec toute une économie qui, dans les suites, au moment et dans les suites de la guerre du Vietnam et de l'incapacité des États-Unis qui touchent du doigt leur incapacité à gagner toutes les guerres. C'est-à-dire que le mythe des deux guerres mondiales s'effrite, s'effondre à ce moment-là. Donc on a dans un même temps l'image des États-Unis, pays protecteur de ses alliés, qui ne protège plus ses alliés, qui est dans l'incapacité de protéger ses alliés. Dans un second temps, une crise pétrolière qui explique au Moyen-Orient, qui donne le CQFD au Moyen-Orient, que c'est une région puissante désormais, susceptible d'influencer par les cours du pétrole. C'est la prise de conscience que l'économie mondiale dépend désormais du Moyen-Orient. Donc que la puissance iranienne n'est pas que le vœu pieux d'achat d'Iran, mais que c'est une réalité, que la donne globale aujourd'hui dépend aussi de l'Iran. Et dans le même temps, au fur et à mesure qu'on s'avance vers 1979, les États-Unis s'enlisent dans d'autres conflits que le Vietnam, montrent sous l'administration Carter, et ça hante encore les administrations démocrates aujourd'hui, qui encore aujourd'hui sont accusées par les républicains d'être faibles et d'être des administrations non interventionnistes, incapables de mener à bien les guerres à l'étranger, où l'administration Carter, non seulement en 1979, est incapable de faire libérer ses propres otages, avec un hélicoptère qui s'écrase, des morts américains, pire que l'incapacité, mais qui s'enlisent dans d'autres régions, je pense à la Corne de l'Afrique par exemple à l'époque. Donc on a véritablement un changement de paradigme, un changement de donne globale à l'instant T qui sans doute encourage l'Iran aussi, toutes les élites iraniennes, de quelque obédience qu'elles soient, à prendre le destin de l'Iran, à tenter une révolution sur laquelle les États-Unis, comme l'URSS qui entre en Afghanistan à ce moment-là, ne vont pas intervenir. Les superpuissances de ce monde, en 1979, regardent ailleurs. Oui, regardent ailleurs, et la révolution iranienne se fait comme un bouleversement qui surprend énormément. Annick Cizel, Clément Terne, merci beaucoup à vous deux, parce que c'est vrai que dans cette lecture très simple des deux axes, hein, le bien, le mal, ou alors dans la chronologie, l'Iran allié aux États-Unis, puis l'Iran qui devient une république islamiste, eh bien nous sentons que, et c'est ça qui nous plaît dans le cours de l'histoire, la situation est beaucoup plus complexe, d'où la nécessité d'étudier l'Iran et ses rivaux. Ça, c'est le titre de l'ouvrage que vous dirigez, Clément Terne, et dans lequel on peut vous lire Annick Cizel. Mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien. Anaïs Quien et son journal de l'histoire, Changement de rythme. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors donc, ce matin dans le journal de l'histoire, nous changeons de rythme. À l'heure de la démultiplication des grèves, leur difficulté à impacter le gouvernement déchaîne l'imagination des protestataires. Les flash mobs dans l'espace public se multiplient, on a vu des avocats en tutu, une pluie de blouses blanches lors des vœux de la ministre de la Santé, ou encore des Pères Noël distribuant généreusement des cacahuètes à la cantine de Radio France. L'heure est à la réinvention des formes de contestation pour les rendre attractives et créer une animation salutaire en attendant le dénouement du conflit. Parce qu'avant tout, la grève, c'est une histoire de temps en ce qu'elle provoque un ralentissement des activités habituelles, voire leur arrêt total. Laurent Vidal est un historien du Brésil et des circulations dans l'espace atlantique et nous propose, dans un essai paru chez Flammarion, de s'attarder sur une catégorie de la population dont on ne parle jamais ou en passant pour les réprouver, ceux qui remettent en question le rythme de vie prescrit. Dans « Les hommes lents, résister à la modernité », l'historien formule une hypothèse. Si notre rapport au temps nous empêchait de remettre en question notre mode de vie, n'aurait-on pas quelque chose à gagner à observer une catégorie en creux, ces lents réputés pour ne pas faire l'histoire, pour leur inadaptation à une forme de modernité apparemment inévitable? On commence bien sûr avec les temps modernes de Charlie Chaplin et les mésaventures de Charlot en proie à la cadence intenable des chaînes de montage mécanique, un Charlot qui déjoue les rouages de la machine-usine en se coulant entre ses dents pour se soustraire à une tâche impossible. C'est une histoire du rythme que nous propose Laurent Vidal, un rythme quotidien, une journée humaine établie par l'Église au XVe siècle, en fixant les heures et les activités adéquates partagées entre le travail et la démonstration de foi publique. Quand le monopole des règles de vie a changé d'autorité, ces mêmes rythmes ont été naturalisés, comme inscrits dans une nature humaine qui s'accordait bien avec elle. Les paresseux, stigmatisés, les improductifs, considérés comme des fardeaux, tous ceux qui semblaient ne pas avoir saisi le sens du rythme paraissaient hors de leur temps, étrangers à leur époque, une anomalie posée là, d'autant plus inutile qu'on avait bien du mal à donner du sens à leur comportement. Faire une histoire de la lenteur, c'est proposer une quête, repérer les temps forts de l'association entre lenteur et discrimination sociale et envisager cette rupture de rythme comme une subversion possible de la cadence imposée. Donc un projet de résistance ou de réexistence, selon les mots de Laurent Vidal, où les lents se font explorateurs d'une autre manière d'être au monde, une critique subtile assignée au silence. Avec ces hommes lents, Laurent Vidal ouvre une piste de travail singulière sur l'histoire du rythme de la vie humaine. Observer cette guerre déclarée aux lents depuis si longtemps, c'est peut-être aussi mettre en lumière l'insouciance du management contemporain face au projet de société humaine qu'il propose. Les hommes lents, de Laurent Vidal, résistaient à la modernité du 15e au 20e siècle, où ce que la lenteur a à nous apprendre de notre histoire, c'est aux éditions Flammarion et bien sûr en librairie, Xavier. Mais oui, mais merci beaucoup Anaïs. Et puis on peut retrouver tous les liens à lire et à voir sur la page du Journal de l'Histoire, c'est sur notre site franceculture.fr. L'éloge de la lenteur pour l'historien, mais l'historien a surtout besoin de regarder sur le temps long pour comprendre les événements de l'actualité. Annick Cizel, quand vous regardez les actualités et vous entendez parler de l'Iran, ça vous énerve pas trop de voir souvent le focus qui est fait sur l'ultra contemporain, alors que en discutant, nous avons vu que depuis 1953, il y a des tensions en germe avec les États-Unis. On a véritablement besoin d'avoir cette histoire du temps, disons semi-long au moins, pour comprendre en tout cas les relations américano-iraniennes, parce que si on laisse de côté les alliances régionales des années 50, je crois qu'on ne peut vraiment pas comprendre certaines résurgences que l'on voit aujourd'hui et qui expliquent des rapprochements qui parfois nous laissent un petit peu interloqués au 21e siècle. Clément Terme, c'est la même chose en fait dans les relations entre l'Iran et la Russie d'aujourd'hui, l'URSS d'il y a quelques années. Oui, alors là, c'est une relation où l'héritage de l'histoire du 19e siècle est toujours très présent, puisque dans le nationalisme iranien contemporain, la Russie joue un rôle négatif et ça joue un rôle encore aujourd'hui dans les relations. Mais c'est surtout avec la France, je pense que c'est intéressant, puisqu'on est en France. La France a été dans les années 70 le premier partenaire commercial du Shah d'Iran. La France espérait construire 8 réacteurs nucléaires en Iran. Et quand on voit aujourd'hui la position de la France sur le nucléaire iranien et notamment du commissariat à l'énergie atomique, je pense qu'il est intéressant de voir ce que ce même CEA disait dans les années 70. Vous avez raison de le souligner. Donc encore merci Clément Terme et merci Annick Cizel. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr ou bien en balade aux diffusions. Et puis vous pouvez en discuter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Demain, nous restons en Iran, mais nous allons regarder la République islamique du point de vue de la famille, la violence au cœur des familles. C'est dans Le Cours de l'Histoire et c'est dès demain.